Dindin. La télé, c'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutu, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Images du livre, parce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville, pour le pâté de maison, comme un vieux livre, c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Mercedes arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Étienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio. Si vous nous rejoignez en ce mardi 25 juin 2024, ce magazine des mots des sons sensibles arrive à son presque terme, en tout cas fin de saison 2023-2024. Et autant vous le dire d'emblée, c'est le dernier jour de direct pour ce programme en double rendez-vous. En effet, deux directs aujourd'hui en forme son sensible. Ce sera ce mardi soir entre, disons, 18h et 20h, puisque des sons sensibles invitent The Mics, les chansons lunaires proposées par Michael Motet alias Angel and the Hidden Tracks et Mika Puce, que l'on a connu au sein de Chantal Morte et d'autres projets encore, et qui forment ce duo aujourd'hui. The Mics sera en interview live, ce sera ce soir, donc cette fin d'après-midi entre, disons, 18 et 20h, pour une rediffusion croisée ce jeudi. En effet, cette interview live, ces sons sensibles de ce soir seront proposés jeudi dans la tranche 12-13h. Et puis, eh bien, ce rendez-vous de ce direct et de cette tranche 12-13h, qui va sans doute éclater un peu son format habituel de par le contenu dont je vais vous rendre compte d'ici un instant, vous sera proposé jeudi soir en diffusion entre 19 et 20 heures. Des mots, des sons sensibles aujourd'hui, actualité politique. En ce 25 juin, lendemain de 24 juin, et oui, dans cette période où l'on parle énormément d'élections, de votes, de crise politique et démocratique, cela vous dit sans doute quelque chose. Ambiance du moment, ambiance électorale, européenne tout juste passée, législative à venir, voire municipale encore prochaine à venir d'ici quelques mois. Vous allez l'entendre, voilà, de l'international au local. L'ambiance est un peu similaire. Retour en ce lendemain 2 sur le conseil municipal de Saint-Étienne, dernier de cette saison avant coupure estivale, de cette séance municipale qui se tenait hier après-midi. 67 dossiers à l'ordre du jour, une séance à la durée record, 3h, 26 minutes, 52 secondes, ce qui est le format absolument inhabituel et exceptionnel, et pour cause, vous allez l'entendre d'ici un instant. En effet, l'essentiel de la séance s'est déroulé à assemblée partielle, puisqu'une grande partie des élus a tout simplement décidé de quitter la séance hier après-midi, au bout de 2 heures de séance et de deux seuls premier point à l'ordre du jour traité, laissant une majorité de 35 élus égrenant et traitant seuls les 65 dossiers et délibérations restants à l'ordre du jour. Une séance donc en roue libre, une instance sans débat, sans contradictoire, sans opposition, triste et désolante illustration de la politique actuelle, une démocratie bien malade, voire malsaine, en total dysfonctionnement. Et bien que Gaël Perdriau s'en défend, insistant sur sa présomption d'innocence, persévérant à poursuivre comme si de rien n'était et restant à son poste de maire, l'affaire n'en est que le témoin et l'indéniable déclencheur. Depuis maintenant 22 mois, et ce qui s'est passé encore une nouvelle fois hier en résulte indéniablement. Cette affaire n'est pas qu'en simple toile de fond ou une réalité parallèle, puisque, étrange coïncidence, hier et avant vendredi encore, bref, cette semaine donc, le volet financier de l'affaire de la sextape fait l'objet de nouvelles séries de confrontations au palais de justice de Lyon. En avril dernier, tous les principaux concernés de l'affaire, principaux protagonistes, étaient convoqués devant les juges d'instruction. Perdriau, véritablement lâché par ses anciens fidèles qui, eux, renforçaient l'accusation d'organisation d'un piège visant à museler Gilles Artigle. Et aujourd'hui, ou cette semaine, et depuis hier, autre confrontation, nouvelle confrontation, autre volet, autre acteur de l'affaire, celles et ceux impliqués financièrement. Et à savoir si 40 000 euros ont pu financer le piège de la sextape. Argent qui aurait servi à rémunérer l'organisateur et auteur du piège, Gilles Rossary l'anglais pour le citer, mais qui surtout, pour et par transaction, serait passé par le canal de subvention municipale détourné, encaissé par les associations Art Pluriel, d'une part, pour 20 000 euros, touchés en 2015, et l'association France-Lettonie, 20 000 euros, d'autre part, touchés fin 2014. Les responsables et ses responsables associatifs sont ainsi confrontés à Gilles Rossary l'anglais, Pierre Gauthiery, directeur de cabinet alors du maire, ou Samy Kéfigiron, ex-adjoint au maire en charge de l'éducation. Bref, la poursuite judiciaire donc est en cours et l'enquête devrait arriver peut-être bien prochainement à sa fin. Voilà donc le contexte dans lequel s'inscrit ce conseil municipal d'hier, que je vais vous proposer de vivre donc partiellement, mais quasi intégralement, dans son entame de séance en tout cas, avant rupture, vous allez l'entendre, avec peu de commentaires et d'analyses, les interventions, échanges, remarques, teneur ou nature des propos et mots tenus se suffisant à eux-mêmes. Séance qui s'ouvrait ainsi hier après-midi. Suite au décès de notre collègue Denis Chambe, un siège de conseiller municipal est vacant. Monsieur Jean-Philippe Terme et Maryse Durafour, suivant sur la liste commune Préférons le défi, n'ont pas souhaité siéger au sein du conseil municipal. Et c'est donc Jacques Plaine, suivant sur la liste Préférons le défi, qui est aujourd'hui appelé à siéger au sein de notre assemblée délibérante. Je vous souhaite la bienvenue dans notre conseil municipal. Voilà pour de premiers applaudissements, d'autres suivront. Et voilà pour cette entame de séance hier. Alors en effet, Jacques Plaine qui faisait son entrée hier au conseil municipal, 92 ans, figurant sur la liste aux élections municipales de 2020, positionné à la 59e et dernière place de la liste, alors Préférons le défi. Jacques Plaine, faut-il le préciser, ancien libraire, président de l'association Lire à Saint-Étienne et créateur de l'événement littéraire La Fête du Livre à Saint-Étienne. Alors, une sacrée première séance et un premier conseil municipal pour Jacques Plaine qui intégrait donc hier cette assemblée. Et puis, autre point important hier... Il s'agissait de la destitution de Claude Laugier de son poste de 19e adjoint au stationnement et à la mobilité, en charge de la circulation et de la mobilité. Il y a quelques jours, c'était le 17 juin dernier, nous apprenions qu'il se voyait retirer sa délégation par le maire de Saint-Étienne, qui lui a signifié lors d'un rendez-vous. Faut-il le préciser, l'adjoint ou ex-adjoint fait partie de cette petite dizaine d'élus de la majorité de Gaël Perdriau qui réclamait sa démission ou son retrait de la mairie à la suite des révélations de Mediapart. au point de constituer un groupe à part, le groupe Saint-Étienne Avant Tout, depuis donc janvier dernier, souhaitant marquer sa différence vis-à-vis de l'affaire, tout en votant les dossiers du mandat. Alors Claude Liogier n'est plus adjoint en charge de la circulation mobilité. Au-delà de cette convocation par le maire il y a quelques jours et de cette destitution et de cette décision, trois autres adjoints parmi cette même liste et de ce même groupe étaient eux aussi successivement convoqués pour un rendez-vous sans objet, entre guillemets, fin de semaine dernière. Mais a priori, pas de nouvelles évictions. En tout cas, à l'issue de fin de semaine dernière, il en sera sans doute autrement, d'après aussi, vous allez l'entendre, les changements qui sont intervenus. Vous allez donc entendre l'objet et présentation du premier dossier qui était à l'ordre du jour hier, puis une série d'interventions directes dans la foulée avec les membres en partie de l'opposition. Pour les citer, vous entendrez Lionel Boucher, qui lui-même, il y a quelques mois de cela, était aussi destitué de ses fonctions d'adjoint. Vous allez entendre Antoine Poméon, Pierrick Courbon, Nicole Peslon, et puis donc Gaël Perdriau pour tenter d'apporter quelques éléments de réponse. Ainsi donc se poursuivait et s'ouvrait toujours donc cette séance de conseil municipal d'hier. Dans le dossier numéro 1, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le maintien de Claude Liogier en qualité de 19e adjoint suite au retrait de ses délégations par arrêté en date du 17 juin 2024. En effet, conformément aux dispositions de l'article L21-22-18 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints ou à des membres du conseil municipal. Lorsque le maire retire les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci en qualité d'adjoint. Monsieur Longeon a demandé la parole. J'interviendrai d'abord, j'avais un petit point de préambule sur le conseil municipal, que pour une fois, compte tenu des soucis techniques, j'ai bien compris, de la difficulté, parce qu'on est assez proche de l'ancien conseil municipal, nous n'avons pas à voter le compte-rendu de l'ancien conseil municipal. Néanmoins, je me souviens que dans l'ancien conseil municipal, vous nous avez promis la publication de l'intégralité des sondages commandés par vos services de maire et président de Saint-Étienne Métropole sur les sites internet de la ville et que nous ne les avons toujours pas vus. Donc nous sommes toujours en attente et je voulais vous le rappeler en préambule de ce conseil. Alors je voudrais commencer mon propos sur le dossier de ce jour et ça ne vous empêchera pas de répondre à tout si vous avez envie après. Je commencerai par un petit exercice de mathématiques. Nous sommes 59 élus représentant les Stéphanois, 12 représentants de la liste conduite par Pierrick Courbon avec les écologistes, que les écologistes avaient rejoints au second tour. Votre majorité disposait donc de 47 sièges. Il vous en suffit donc de 30 sur 59 pour avoir une majorité. Depuis le début de ce mandat, les démissions, les exclusions de vos conseillers se sont suivies les unes après les autres, à tel point qu'il ne doit rester que deux ou trois de vos colistiers qui n'ont pas encore été obligés d'entrer dans ce conseil. Si votre liste continue comme cela, il y a des chances que nous soyons finalement moins de 59 conseillers. Nous savons que la loi nous y autorise et que nous pourrons continuer, mais quand même, aux environs de 45, peut-être, il faudra se poser des questions pour que vous puissiez garder votre majorité. Et cela fait quand même désordre. Bref, pour parler en langage automobiliste, on se demande si vous n'êtes pas en train de rouler sur la réserve. Aujourd'hui, vous nous demandez une énième fois de retirer sa fonction d'adjoint à un de vos colistiers, parce que vous lui retirez ses délégations et qu'il faut un vote du conseil pour retirer le poste d'adjoint. C'est votre majorité, c'est turpitude. Nous vous laisserons purger vos comptes entre vous. Attention, je l'ai dit souvent dans d'autres réunions, contrairement aux paroles de certains grands hommes politiques, je ne saurais que vous rappeler que le parti ne se renfosse pas en s'épurant. Dans ce drame, il semble bien que vous retiriez des délégations quand vous n'avez plus le pouvoir sur la personne. Certes, vous démentez catégoriquement, mais lui, vous ne lui retirez aucune délégation. Alors que d'autres, vous leur retirez des délégations. Aujourd'hui, c'est un élu auquel vous avez retiré une délégation. Ce jour, vous retirez ses délégations et son titre à Claude Liogier. Dommage, cela faisait au moins un mois qu'on ne parlait plus de l'affaire, car chaque semaine a apporté son lot de révélations toutes plus nauséeuses les unes que les autres. Les Stéphanoises et les Stéphanois ressentent un sentiment de stupéfaction et de dégoût, parce que la ville continue de bruisser des rumeurs. On se demande comment va terminer votre majorité. Et cette médiatisation est catastrophique pour Saint-Étienne Métropole. Les écologistes estiment toujours que cette affaire est la suite des dysfonctionnements récurrents de la vie municipale stéphanoise, que leurs élus écologistes ont évoqué à plusieurs reprises, tant dans les modalités d'attribution des subventions que aux associations, que par exemple dans le fonctionnement de la communication. Pour couronner le tout, les récentes investitures de votre ancienne, peut-être actuelle, voire future famille politique aux prochaines élections ont conduit à des alliances parfois contre nature. Mais en cette matière, comme le disait Audiard, il semble bien qu'une brute qui marche pourrait aller plus loin que deux intellectuels qui siègent. Le groupe municipal Le Temps de l'écologie témoigne une nouvelle fois sa sympathie aux victimes de tous les agissements et à tous les habitants. Le groupe municipal Le Temps de l'écologie réaffirme toujours et encore sa position et demande que la justice poursuive son chemin, ce qui est le cas. L'instauration de procédures permettant d'assurer une réelle transparence dans le mode d'attribution des subventions aux associations, ce qui n'est toujours pas le cas. Une transparence totale dans les attributions et le fonctionnement du cabinet du maire et du président de la métropole, président ou pas président, on en reparlera sans doute mercredi. Le nombre de collaborateurs, les fonctions, les rémunérations, nous aurions toujours aimé avoir cette transparence que nous estimons de ne pas avoir. Et les récents conflits avec la première vice-présidente de la métropole, faisant peut-être fonction de présidente, nous posent des questions et montrent sans doute l'inverse de tout ce que nous demandons. La transformation des conseils consultatifs en commissions extra-municipales ouvertes à tous les citoyens et citoyennes est notre dernière demande, car il est temps que ça change. Merci. Claude Liogier. Mes chers collègues, comme vous le savez, il y a une semaine, jour pour jour, le maire a décidé de me retirer mes délégations. Cette décision, il l'a prise seul. Il me l'a annoncée sans m'apporter d'éléments concrets ou d'explications convaincantes. Je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble des services de notre ville et de Saint-Étienne Métropole, et en particulier tous ceux avec lesquels j'ai eu le plaisir de travailler depuis 2014. Je pense tout particulièrement aux agents de la DPSCM. J'ai aussi une pensée pour les assistantes des élus qui sont affectées par le climat pesant depuis quelques mois. À mon assistante depuis 4 ans, Isabelle, je lui dis tout simplement merci. Je souhaite également remercier chacune des personnes qui m'ont adressé des messages de soutien, et ils sont nombreux, très nombreux. Vos réactions m'ont beaucoup touché et me procurent une réelle force. Je suis élu adjoint depuis 10 ans. J'ai quitté mon emploi en 2014 pour mieux servir. J'ai mis toute mon énergie à défendre et à mettre en œuvre sur le terrain le projet municipal pour lequel nous avons été élus en 2014 et réélus en 2020. J'ai exercé mes fonctions avec dévouement et abnégation et j'ai toujours fait preuve d'une profonde loyauté vis-à-vis de notre majorité. Dans un groupe de personnes de sensibilités différentes, il est normal d'exprimer son opinion. Mais depuis 10 ans, je n'ai pas dérogé à la règle qui veut que l'on respecte la ligne définie dans le plan de mandat. Et personne ne pourra dire qu'une seule fois je n'ai pas assumé la tâche qui m'était confiée. Pendant ces 10 années, j'ai répondu présent à chaque sollicitation. Mes collègues peuvent en témoigner. En tant qu'adjoint à la sécurité, à la tranquillité publique et à la sécurité civile pendant 6 ans, et puis en tant qu'adjoint à la circulation et à la mobilité pendant 4 ans, j'ai eu le grand honneur de servir les Stéphanois et de contribuer à mon niveau à rendre notre ville plus accueillante, plus accessible, plus apaisée et plus sécurisée. Nous avions impulsé tous ensemble une grande dynamique collective qui a porté ses fruits dans de nombreux domaines et qui nous a permis, à de nombreux égards, de transformer notre Saint-Étienne. Ce bilan, nous le portons tous collectivement. Ce n'est pas le bilan d'un seul homme. mais celui d'une équipe d'hommes et de femmes, d'élus, de fonctionnaires municipaux, de nombreux acteurs, citoyens, associatifs et institutionnels qui ont accompagné notre action municipale sur le terrain. Nous pouvons en être fiers. Si je tiens à vous dire cela aujourd'hui, c'est parce que depuis plus d'un an, notre ville et Saint-Étienne Métropole sont affaiblies et isolées, et c'est un profond gâchis. Chers collègues, dans un instant, vous allez voter. Je ressens aujourd'hui une forme d'injustice et je veux sans animosité l'exprimer devant vous, car je suis loin d'être le premier à vivre cette situation. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous se posent des questions, mais n'osent pas exprimer leurs doutes en public. Je vous demande de réfléchir à la portée de votre vote en vous exprimant en votre âme et conscience, et si possible en toute liberté. Avant de conclure, je fais mienne la citation de Nietzsche qui disait « Ce qui ne tue pas rend plus fort ». Pour moi, au niveau de notre ville, une page se tourne aujourd'hui. Je me trouve donc devant une page blanche. Vous pouvez compter sur moi pour l'écrire. Merci de votre attention. Merci. Lionel Boucher. Merci. Cher Jacques Plaine, mes premiers mots sont pour vous. Vous arrivez dans un moment bien triste. Tout d'abord parce que vous succédez à notre ami Denis Chambe, un homme de principes et de valeurs qui nous manque beaucoup. Et aussi en raison de la traversée par notre institution d'une grande perturbation du fait de la situation de son premier édile. Mis en examen par trois fois pour des faits graves et qui n'a pas la sagesse de se mettre de côté pour protéger notre ville et ses habitants. Vous arrivez dans une assemblée alors que Jean-Philippe Terme et Maryse Durafour ont refusé d'y siéger. Comment leur en faire le reproche alors que l'image de cette majorité est calamiteuse et que ça ne va pas s'arranger aujourd'hui. Mais rassurez-vous, dans 22 mois au plus tard, ce sera fini. Mes chers collègues, ça sent la fin de règne. Comment ne pas penser en cette heure au tyrannique Néron qui, devenu fou et sentant venir le terme de son empire, fut, selon la légende, l'incendiaire de sa propre capitale. Monsieur Perdriau, quel nouveau triste spectacle nous offrez-vous aujourd'hui? Quelle image donnez-vous de Saint-Étienne à la France? Comme vous l'aviez fait avec moi il y a un an, vous voulez couper la tête de Claude Liogier, un élu honnête et travailleur qui a tout donné en son temps pour que vous soyez maire. Quel crime a-t-il commis à vos yeux? Dans l'intérêt de notre ville, il vous a demandé de prendre du recul et de laisser cette noble fonction de maire que vous salissez et qui ne vous appartient pas. Guibert pourrait chanter « L'élu a dit la vérité, il va être exécuté ». Monsieur Perdriau, vous êtes triplement, je le rappelais, mis en examen pour chantage, détournement de fonds publics et association de malfaiteurs. Ce sont des faits graves. Mais ce ne sont que des faits, pas des attaques politiciennes de quiconque, que des faits. De plus, la Chambre régionale des comptes vous a épinglé pour l'utilisation de l'argent des Stéphanois afin de servir votre intérêt politique personnel. C'est grave. Toute personne traînant de telles casseroles et dotée d'un minimum de sens de l'honneur se cacherait, pas vous. Votre maintien à la tête de notre ville est déjà une insulte faite aux Stéphanois, qui sont attachés, eux, à la probité. Non content de vous accrocher, vous utilisez de manière honteuse le petit pouvoir qu'il vous reste pour assouvir cette soif de domination, refusant toute contestation, tel un dictateur, un gourou. Comme je l'ai fait depuis l'éclatement de l'affaire, qui aurait pu conduire, je le rappelle, un de nos collègues au suicide, j'en appelle à la trentaine d'élus qui vous restent fidèles. C'est raisonnablement et humainement incompréhensible. De quoi vous menace-t-on? Vous savez, nous le saurons un jour parce que tout se sait. Par contre, nous avons bien compris que Gaël Perdriau a promis à cinq d'entre vous, quelques affidés, un poste d'adjoint. C'est véritablement vendre son âme pour un plan de lentilles. Réagissez, reprenez-vous. Il n'est jamais trop tard quand l'essentiel est en jeu. N'attendez pas que la justice mette un terme à cette œuvre mafieuse. Ça arrivera tôt ou tard et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous savez que dans la ville, on vous appelle déjà la secte de Waco. Vous vous souvenez, les Davidiens qui se sont immolés. Alors, dès maintenant, je vous invite à voter pour le maintien de Claude Liogier dans ses fonctions d'adjoint. C'est bien évidemment ce que je ferai pour tenter de stopper cette purge. Et bien évidemment, nous demandons un vote à bulletin secret. Merci, Monsieur Poméon. Merci, Monsieur le maire. Veuillez m'excuser pour la voix. À l'heure où nous parlons, des confrontations judiciaires ont lieu dans l'affaire qui secoue notre ville depuis bientôt 2 ans. Et pourtant, dans ce contexte, alors que vous êtes triplement mis en examen, vous nous proposez de démettre l'un de vos fidèles adjoints au motif d'une rupture soudaine de confiance. Pardon. Cette politique de la terreur ne vous honore pas. Permettez-moi de vous rappeler, monsieur le maire, que Claude Liogier a été l'un de vos compagnons de la première heure. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais il a été l'un de vos premiers soutiens quand vous n'étiez personne. Il était à vos côtés lors de votre candidature au cantonal de 2011. Il vous a aidé à gagner en crédibilité auprès des Stéphanoises et des Stéphanois lorsque vous étiez candidat au municipal de 2014. Et il l'était encore à vos côtés en 2020. Il a consacré du temps et de l'énergie pour que vous arriviez là où vous êtes aujourd'hui. Et même après que l'affaire dite de la sextape est éclatée, il est resté dans votre majorité pour sa loyauté envers vous. C'est comme cela que vous le remerciez pour sa fidélité et son engagement ? Nous n'avons définitivement pas les mêmes valeurs, monsieur le maire. Et je voudrais témoigner à Claude de toute mon amitié et de tout mon soutien. Tu as été, pendant plus de 10 ans, un adjoint investi pour Saint-Étienne et toujours au service de ses concitoyens. Tu peux être fier du travail que tu as réalisé durant tout ce temps. Par conséquent, je voterai contre votre proposition, monsieur le maire, de destituer Claude Liogier. Et j'invite mes collègues à en faire autant. Merci de m'avoir écouté. Merci, monsieur Courbon. Merci, bonjour à toutes et à tous. Et au nom de notre groupe, je voudrais souhaiter aussi, quelque part, la bienvenue à monsieur Plaine, en lui disant malgré tout la stupeur qui est la nôtre, au regard de la carrière tout à fait admirable et respectable qui est la sienne, notre incompréhension vis-à-vis du fait qu'il vienne s'abîmer aujourd'hui dans un tel bourbier municipal. Concernant M. Liogier, je vais là aussi être extrêmement bref dans la mesure où nous souscrivons pleinement à l'ensemble des propos tenus par nos collègues de diverses sensibilités politiques. Et dire qu'effectivement, cette nouvelle qui était redoutée, elle est tombée comme un couperet la semaine dernière et elle a amené un certain nombre d'observateurs, à la fois des élus, mais d'observateurs extérieurs à la vie municipale, à dire tout simplement que le travail de purge se poursuit au sein de votre équipe. Après Lionel Boucher, que vous avez destitué il y a quelques mois, après une série de départs, rappelons-le, pour convenances personnelles qui se sont multipliées depuis le début du mandat, vous continuez aujourd'hui à faire le vide autour de vous, à la fois afin d'éloigner de vos oreilles toute voix discordante et de ne garder à vos côtés qu'une cour chaque jour un peu plus rabougrie. J'ai encore en mémoire personnellement une réunion publique de secteur que vous aviez animée dans le quartier de la Métard il y a quelques mois. Lorsqu'interrogé par un habitant sur un sujet de proximité concernant la voirie, vous passiez la parole à votre adjoint Claude Liogier, en qui vous clamiez avoir pleinement confiance et dont vous avez encore, il y a quelques mois, salué la qualité de son travail et de son investissement à vos côtés. Aussi, alors que vous avez écrit de manière laconique que cette confiance était désormais perdue, nous ne nous y trompons pas. Ce n'est pas un élu que vous sanctionnez pour son travail, la qualité ou l'intensité de celui-ci, mais bien un homme qui a osé émettre quelques critiques quant à votre gestion des affaires et qui a commis le crime le plus grave, en demandant à Saint-Étienne Métropole en particulier de la transparence et que toute la lumière soit faite sur la gestion de la communication, en reprenant l'idée de la création d'une mission d'information et d'évaluation à la suite de la publication du rapport de la Chambre régionale des comptes dont nous avons parlé le mois dernier. C'est aujourd'hui une attitude mesquine et autoritaire dont vous faites preuve et auquel malheureusement nous ne sommes que trop habitués. Et à l'instar de ce qu'ont dit les uns et les autres, il faut bien que chacune et chacun d'entre nous, d'entre vous, chers collègues, de ce qu'il reste de la majorité, ayez conscience que toutes celles et ceux qui vont suivre M. Perdriau dans cette attitude vont à la fois porter une lourde responsabilité dans l'aggravation de l'image de notre ville, dans l'affaiblissement de notre démocratie locale, et ceux qui vont voter finalement favorablement à cette destitution seront sans doute pour très longtemps marqués du sceau de l'infamie. Nicole Peslon. Oui, merci Monsieur le maire. Tout simplement, vous vous en doutez, notre groupe Saint-Étienne avant tout considère que la décision qui nous est soumise est tout à fait injuste et infondée. Aussi, bien entendu, nous voterons contre, cela tombe sous le sens. Par ailleurs, afin que chacun ici puisse s'exprimer en toute liberté, compte tenu du contexte, et surtout en son âme et conscience, compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, et Claude l'a d'ailleurs bien précisé dans son intervention, nous demandons bien un vote à bulletin secret afin que nous puissions nous rendre compte de la liberté de chacun. Merci. Bien, je dois noter que certains ne sont toujours pas dans la mesure de leurs propos. Je ne m'étendrai pas davantage sur ce qui a été dit concernant l'arrivée de Jacques Plaine, que je salue avec sincérité dans notre conseil, à la différence de beaucoup d'entre vous, dont M. Courbon, Jacques Plaine est un homme de culture. Et je pense que, contrairement à beaucoup d'autres, lui, il sait le sens des mots de la présomption d'innocence. Et il la respecte. Mais ce n'était pas le seul, hein. D'autres grands hommes, Badinter, tant d'autres, ont su respecter avant tout ce principe de notre République. Mais j'y reviendrai, parce qu'il n'est sans doute pas étranger à certaines déclarations des uns et des autres. Monsieur Longeon, vous savez que je suis très attaché à la parole donnée. Les sondages seront publiés, comme je m'y suis engagé, mercredi matin sur le site internet de la ville de Saint-Étienne, disponible à l'ensemble des habitants, et seront également publiés dans le prochain magazine municipal. Ainsi, la transparence que j'ai promise sera effective. Alors, quand vous dites que le parti ne se renforce pas quand... Le parti ne se renforce pas en s'épurant, c'est une citation que je fais. Je ne sais pas, je ne pense pas que vous vous adressiez à moi, parce que je suis sans étiquette. Et très honnêtement, quand je vois la situation politique actuelle, je ne peux que m'en réjouir. Je ne peux que m'en réjouir. Quand je vois dans quelle direction part mon parti, mon ancien parti, les Républicains, alors même que j'avais alerté bon nombre de collègues ou de militants, dès lors que Ciotti avait pris la direction du parti et une direction vers l'extrême droite, en tout cas, l'actualité montre que j'avais raison. Et que les sanctions, les jugements injustes que j'ai subis, aujourd'hui, trouvent leur matérialité et leur réalité dans ce qui était écrit. Quand je lis certains communiqués aujourd'hui d'élus, de politiques qui feignent d'être surpris, enfin... Tout observateur, tout comme moi, je ne suis pas plus malin que les autres, ont vu depuis très très longtemps ce qui est en train de se passer. Très longtemps. C'est parti de beaucoup plus loin qu'Éric Ciotti. Donc il arrive ce qui était prévu d'arriver, bien que certains comme moi se sont battus à l'intérieur pour faire changer des choses. Et la suite, je pourrais aussi vous la raconter, parce qu'elle est écrite aussi depuis longtemps. Ce parti va disparaître. Et vu ce qu'il est devenu, c'est sans doute un mal pour un bien. Non. Quand vous avez rappelé cette citation, j'ai pensé que vous parliez de votre collègue maire écologiste de Grenoble, qui vient de limoger trois de ses adjoints. de son conseil municipal. Ou de votre ami, le maire de Lyon, qui vient de limoger un adjoint. Pas pour des raisons d'affaires judiciaires, pas plus que moi d'ailleurs. Et je vais y revenir dans un instant, ce qui m'a amené à prendre cette décision, parce qu'elle n'a absolument rien à voir avec l'affaire judiciaire en cours. C'est comme quand Georges Higler retire la délégation du SDIS à Madame Darfeuille, sans autre explication. C'est comme quand Laurent Wauquiez, à un moment donné, retire des responsabilités à Marie-Camille Ray, sans autre explication. Moi, je vais vous les donner, les explications, puisque Claude Liogier les a publiquement demandées. Non, cette décision, je ne l'ai pas prise seule. J'ai d'ailleurs, peut-être d'ailleurs à l'incompréhension de beaucoup, fait preuve d'une très grande patience. Et c'est lors d'un conseil, d'une réunion du groupe, que cette question est venue sur la table, compte tenu des propos répétés, que ce soit dans les réunions de service ou avec certains collègues de Claude Liogier sur le travail de l'équipe municipale. Et j'irai même un peu plus loin sur le fait de savonner la planche de l'équipe majoritaire à laquelle il appartient. T'as raison, Claude, de citer Nietzsche. Ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est ce que je me dis depuis 2 ans. Et ceux qui n'ont pas réussi à m'éliminer en avançant de faux prétextes, je les invite à prendre connaissance de cette citation. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Ce qui me permet aussi de répondre rapidement à Lionel Boucher en lui disant que il faut sans doute encore un peu de patience. Et que quand toutes les vérités seront publiques, parce que pour l'instant, pour seule vérité, nous avons les viols des secrets de l'instruction diffusés par certains, et que je suis d'une très grande sérénité, et que cette affaire, je la mets de côté dans l'ensemble des responsabilités qui sont les miennes, des décisions que je prends, l'ensemble des réunions de travail que je peux avoir avec mes collègues d'ici, de la métropole, ou bien lors des réunions publiques avec les habitants. Cette décision, je l'ai prise parce que, tout simplement, pas faute d'avoir prévenu d'ailleurs, je me suis rendu compte d'un certain nombre d'attitudes, de comportements, d'actions, parfois d'inactions surtout, qui jouaient contre la majorité municipale. L'alerte, elle a été encore plus forte quand le groupe de la majorité, à l'unanimité, a désigné une de nos collègues pour être candidate à la vice-présidence de Saint-Étienne Métropole en remplacement de Delphine Jusselme, une élue de Saint-Étienne, pour représenter Saint-Étienne. Ce jour-là, Claude Liogier a fait un autre choix, lui solitaire, car malgré les réunions que j'ai organisées à ce sujet, il s'est défilé, il n'y a pas participé, il ne s'est pas exprimé. Et c'est donc à l'unanimité que nous avions fait le choix de notre candidate pour représenter Saint-Étienne. Claude Liogier a fait un autre choix, préférant privilégier une élection d'une socialiste, d'une maire de la couronne, dont acte. Mais c'est une responsabilité qui ne peut pas rester sans conséquences. Quand j'ajoute à cela des courriers que je reçois, des courriers de Stéphanoises, de Stéphanois qui écrivent aux maires parce qu'ils n'ont plus de nouvelles de l'adjoint à la circulation. Et je vais citer que ceux de ces 3 dernières semaines, un collectif d'habitants du Crédroc, qui termine sa conclusion, son courrier, en me disant « Nous regrettons le silence de l'adjoint à la circulation alors que des engagements ont été pris il y a plusieurs années. Faut-il un mort pour que vous demandiez à vos adjoints de traiter ces problèmes ?» Un autre, encore la semaine dernière, « Problème de chanter dans une rue piétonne avec plusieurs signalements. Qu'est-ce qu'on attend? Que la situation pourrisse ?» Ou bien, puisque M. Courbon faisait allusion aux réunions publiques, la dernière réunion publique de Solor, effectivement, où j'ai donné la parole à Claude Liogier pour répondre à une dame qui avait envoyé un courrier en 2021 à qui on disait que les études allaient être lancées et à qui on a répondu 2 ans plus tard que les études étaient toujours en cours. Donc oui, j'assimile cela à un savonnage de planche. Quand je regarde le bilan que nous avons réalisé en décembre dernier, à mi-mandat, celui que nous allons publier il y a quelques jours en matière d'aménagement et d'urbanisme. Je me dis que nous sommes sur le bon chemin, nous sommes sur la bonne route, que les résultats, on verra dans quelques instants avec Nora Berroukech sur le compte administratif, les objectifs sont en passe d'être remplis, la ville a changé. Eh bien, je ne peux pas tolérer et accepter que quelques-uns, que certains, qui préparent l'échéance de 2026, et c'est tout à fait leur droit, mais ils ne peuvent pas le faire sur le dos d'une équipe municipale qui est au travail tous les jours au service de l'intérêt général. Et donc, je conclus simplement qu'ainsi, je n'aurai pas besoin de me demander tous les jours si je vais recevoir un coup de poignard dans le dos supplémentaire ou une peau de banane sera glissée sous mes chaussures. Claude sera beaucoup plus libre pour préparer ce qu'il a préparé de manière très ouverte en 2026, mais au moins comme ça, les choses sont claires. Non, Claude Liogier n'est pas victime du système Perdriau, comme je l'ai lu dans le journal, il est victime éventuellement de sa lâcheté et du manque de courage d'affirmer ses positions qui sont les siennes, qu'il sait développer dans certains cercles, mais pas en face. Et donc c'est la raison pour laquelle je vous propose ce vote, comme le demande la loi, après le retrait des délégations. Claude Liogier. Tout simplement, monsieur le maire, je vous laisse avec votre médiocrité. Il y a 54 présents au conseil municipal. Il nous faut donc 18 voix pour qu'il y ait un vote à bulletin secret qui est favorable à un vote une suspension de séance, monsieur à bulletin le maire. Secret. Je demande une suspension de séance, monsieur le maire. Eh bien, on se donne rendez-vous dans 5 minutes. Merci. À 15h15. Voilà pour ce premier point à l'ordre du jour de ce conseil municipal hier qui portait sur la décision sur le maintien de Claude Liogier en qualité de 19e adjoint au maire suite au retrait de ses délégations. Une suspension de séance demandée par l'opposition, Olivier Longeon en l'occurrence que vous venez d'entendre. Un vote à bulletin secret interrompait à nouveau cette séance avec ses résultats. 35 voix contre le maintien de Claude Liogier en qualité d'adjoint et 21 voix pour. L'Assemblée donc entérinait ce choix, l'officialisant par le vote municipal, puisque ce choix avait déjà été rendu public, je vous le rappelais, le 17 juin dernier. Gaël Perdriau donc retirait ainsi ses délégations à Claude Liogier, justifié par ses manquements, vous l'avez entendu, à ses obligations et missions de mandat, en quelque sorte, de défiance, que ce soit dans le cadre de Saint-Étienne Métropole ou à la ville, l'accusant donc, je cite et je le rappelle, de savonner la planche de l'équipe municipale à laquelle il appartenait et préparer sur leur dos les municipales de 2026. Alors même, et vous l'entendrez encore plus tard, Nicole Peston aura l'occasion de le rappeler, que Gaël Perdriau lui-même se met en ordre de marche pour les prochaines municipales de 2026. Et oui, et a d'ailleurs, précise Nicole Peston, proposé à certains élus d'exercer de nouvelles missions dans cette perspective. Mais nous reviendrons plus tard sur ce point. En tout cas, une forme d'autorité de Gaël Perdriau à géométrie variable et des sanctions tout en nuances. On ne peut que se rappeler, et oui, toujours et encore, de l'affaire. Et en aucun cas, Gaël Perdriau n'a remis en cause la légitimité de son adjoint à l'éducation, par exemple, ou de son entourage, même de son directeur de cabinet, lorsque d'autres manquements ou fautes que l'on pourrait envisager véritablement comme telles ont été commis. Une drôle d'appréciation, évaluation de la faute ou manquement professionnel, je vous laisserai apprécier précisément. En tout cas, l'opposition et certains membres de sa majorité en prenaient acte et en tiraient les conséquences. Décision radicale et coup de tonnerre. Nicole Peston allumait la mèche qui allait faire imploser la majorité et quelque peu déstabiliser le maire qui tentait tant bien que mal de poursuivre la séance et passer au deuxième et troisième dossier à l'ordre du jour. Oui, merci, monsieur le maire. Je m'exprime en cet instant, pas seulement en mon nom personnel, mais aussi au nom du groupe Saint-Étienne avant tout, pour rappeler pourquoi nous en sommes arrivés là, aujourd'hui. Notre groupe s'est constitué autour de ceux qui ont considéré que les révélations faites à la fin de l'été 2022 étaient graves et scandaleuses, et que la manière de gérer cet événement de la part de monsieur le maire et d'une majorité de nos collègues n'était pas digne de la politique telle que nous la concevions. Une mise en retrait du maire nous paraissait la meilleure solution dans l'attente d'un jugement qui seul peut trancher la situation. Ce ne fut pas le cas, d'où notre décision de créer ce groupe, création, qui a eu pour but de nous différencier sur un plan moral et éthique. Aujourd'hui, 24 juin 2024, que constatons-nous ? En premier lieu, le vote qui vient d'avoir lieu et qui exclut notre collègue Claude Liogier, membre de notre groupe, rien dans sa manière de gérer sa délégation ne mérite à nos yeux une telle décision. Faut-il y voir une tentative d'affaiblissement de notre groupe ? Peu importe. Mais en tout cas, nous nous sentons tous visés, nous les neuf, collectivement. En deuxième lieu, il y a les délibérations qui vont suivre, à savoir le remplacement de nos deux collègues, Denis Chambe, pour lequel nous avons tous une pensée en cet instant, et Claude Liogier, ce qui est tout à fait normal. Mais il y a aussi la création de postes d'adjoints et même des hausses de rémunération. Tout cela s'inscrit dans une logique qui n'est plus la nôtre. Vous vous mettez en ordre de marche pour préparer 2026. Vous nous l'avez dit, vous agissez en ce sens, c'est votre décision. Vous nous avez d'ailleurs proposé à certains d'entre nous, je parle du groupe, d'exercer de nouvelles missions dans cette perspective. Tout ceci n'est, pour nous, le groupe Saint-Étienne avant tout, pas possible. En effet, nous considérons que votre situation, monsieur le maire, devrait vous questionner sur le renouvellement de votre mandat. Face à ces constats, l'ensemble des membres de notre groupe a décidé de ne pas poursuivre l'aventure à vos côtés et renonce à exercer les délégations qui ont pu nous être confiées. Pour cela, nous renonçons à exercer les fonctions d'adjoint et de CMD pour retrouver pour chacun d'entre nous une simple position de conseiller municipal au sein de cette Assemblée. Les courriers informant Monsieur le Préfet, ainsi que vous-même par ailleurs bien sûr, établissant cette décision, ont été bien entendu établis comme il se doit et vous les recevrez donc prochainement. Merci de votre attention. Je prends acte de cette déclaration qui révèle plusieurs choses. D'abord que finalement, Claude Liogier n'était pas le seul à avoir des idées derrière la tête. Et que quand, y compris Nicole Peslon ou d'autres, disaient travailler dans l'intérêt général de la ville et surtout se reconnaître dans le plan de mandat, il n'en était rien. Non, il n'y a pas de hausse d'indemnité, c'est faux, si. Chère Nicole, c'est faux, chère Nicole. Je préciserai également que le maire, les adjoints sont 15% en dessous du plafond et que manifestement, tu n'as pas compris ou tu n'as pas su lire les délibérations qui sont proposées, il n'y a absolument aucune modification des indemnités. Elles sont proposées à l'identique, tout simplement parce que la loi prévoit, quand il y a l'élection de nouveaux adjoints, de procéder au vote des indemnités qui sont strictement les mêmes. Mais ce n'est pas là le plus important. Ça a le mérite de la clarification. Il y a ceux qui vont continuer à travailler dans l'intérêt général des Stéphanois et ceux qui pourront, de manière ouverte, alors que quelques-uns le faisaient de manière subreptice, travailler dans d'autres perspectives. Mélanger l'affaire judiciaire qui me concerne au plan de mandat et à l'intérêt général des habitants est une erreur manifeste. Et je voudrais, pour terminer sur ce sujet, citer un homme politique qui est très utilisé aujourd'hui, d'ailleurs à contre-courant, par le nouveau Front populaire qui a de nouveau que le nom et qui n'a surtout rien de Front populaire. Léon Blum disait, et je n'ai pas à croire ou à ne pas croire à l'innocence, en l'occurrence, de Dreyfus, mais je ne crois pas à sa culpabilité parce que la vie m'a instruit à ne croire que ce que je comprends. Et je ne comprends pas parce que jusqu'à présent, on ne m'a rien fourni ni aucun mobile intelligible. C'est tout à fait ce qui se passe dans cette affaire. Je vois qu'entre LR et la majorité municipale, vous avez préféré pour certains votre étiquette LR. Je vous souhaite bon vent. Monsieur le maire. Le rapport numéro 2 porte sur la détermination du nombre d'adjoints au maire. Les articles L21-22-2 et L21-22-2-1 du Code général des collectivités territoriales disposent que le nombre d'adjoints déterminé par le conseil municipal peut être modifié à tout moment par le conseil municipal dans la limite de 30% de l'électif légal. Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l'article L21-22-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10% de l'effectif légal. Le conseil municipal de la ville de Saint-Étienne peut ainsi créer un conseil de 22 adjoints. Le conseil municipal peut, lorsqu'un poste d'adjoint devient vacant et que le nombre minimum fixé est respecté, à savoir au moins un adjoint, décider de ne pas le remplacer. Faute de délibération en ce sens, conformément aux dispositions de l'article L21-22 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal devra être convoqué pour procéder à son remplacement dans la quinzaine qui suit la vacance du poste. Suite au décès de M. Denis Chambe, 17e adjoint, à la décision du conseil municipal de ne pas maintenir Claude Liauger dans ses fonctions, deux sièges d'adjoint sont donc devenus vacants au sein de notre assemblée. Conformément aux dispositions de l'article L21-22 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé de maintenir ces deux postes. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir créer trois postes d'adjoints supplémentaires et de fixer ainsi le nombre d'adjoints à 22. Je mets donc ce rapport aux voix. Monsieur Boucher. Monsieur le maire, compte tenu de l'annonce qui vient de nous être faite, vous perdez encore des adjoints. Je vous propose tout simplement de retirer ce dossier pour le représenter au prochain conseil municipal, que nous ayons la liste complète des adjoints qui vont vous entourer dorénavant. Saint-Étienne mérite mieux que ce genre de chicaya. Je prends compte de la décision qui vient d'être prise, mais la vie continue et la bonne gestion de la ville aussi. Madame Dumestre. Oui, monsieur Perdriau. Je suis vraiment atterrée par tout ce à quoi on assiste depuis le début de ce conseil municipal. Alors, c'est pas nouveau, mais je pense qu'on franchit un cap supplémentaire, surtout dans le contexte national que vous avez brièvement évoqué tout à l'heure, qui peut tous nous inquiéter quand nous sommes des démocrates. Et le spectacle que nous donnons aujourd'hui ne va pas aider à plaider pour une vie politique apaisée, une vie politique faite pour les gens, pour l'intérêt général et dans lesquels ils peuvent se sentir représentés par ceux qui sont élus au moment où ils déposent un bulletin dans une urne. Alors, de ce point de vue-là, effectivement, moi, ma première réaction, c'est celle que vient d'exprimer Lionel Boucher. Les quatre rapports que vous nous proposez sont nuls et non avenus, puisque vous nous demandez d'augmenter le nombre d'adjoints, de le passer à 22. Mais il y a, si je ne me trompe, Madame Peslon pourra me corriger, plusieurs adjoints membres de Saint-Étienne avant tout. Et donc, dans l'annonce qui vient de nous être faite, il n'est plus nécessaire d'augmenter à 22, à moins que vous vouliez vraiment distribuer des postes d'adjoints à tous ceux qui vous soutiennent contre vents et marées. Et effectivement, c'est le chemin que vous semblez avoir pris, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure. la décision que vous avez prise quant au limogeage de Claude Lioger, vous ne l'avez pas pris en conseil de majorité. Vous avez d'ailleurs évité de peu le lapsus, puisque vous avez commencé par buter sur le mot conseil. Vous l'avez prise en réunion de groupe, excluant de fait par vous-même une partie de votre majorité, c'est-à-dire le groupe des neuf de Saint-Étienne avant tout, parce que bizarrement, il semblerait que les cinq adjoints qui vont nous être proposés ne représentent pas la majorité dans l'ensemble de ses composantes, mais bien la majorité qui ne s'est pas différenciée sur les plans moral et éthique que vient d'évoquer Madame Peslon. Donc ce n'est pas la majorité qui a décidé d'exclure Monsieur Lioger, ce n'est pas effectivement une défaillance en tant qu'adjoint qui lui reprochait, parce que s'il suffisait d'avoir trois courriers se plaignant d'un adjoint pour vous lui retirer ses délégations, ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus grand monde autour de vous, parce qu'on le sait effectivement, ce type de courriers sont fréquents. Voilà. Et je ne suis pas sûre que les élus que vous allez proposer par la suite, ou les élus qui sont encore aujourd'hui adjoints, soient eux-mêmes exempts de toute défaillance. L'erreur étant humaine, je ne pense pas qu'effectivement vous puissiez justifier comme ça limogeage de M. Lioger. Alors ce n'est pas Mme Peslon, ce n'est pas LR, ce n'est pas je ne sais complot maçonnique qui nous amène aujourd'hui à cette discussion, c'est bien votre propre choix. Parce qu'il n'y avait aucune obligation, aucune urgence à prendre cette décision aujourd'hui de remanier complètement votre exécutif en proposant certains noms d'adjoints pour remplacer des gens qui sont décédés ou démissionnaires ou limogés depuis plusieurs mois pour certains. Donc il n'y avait pas d'urgence, vous choisissez pertinemment ce moment qui est un moment grave politique devant lequel nous sommes tous confrontés et tous inquiets, je l'imagine, dans cet hémicycle. Mais vous choisissez ce moment pour faire un remaniement purement de convenance. Voilà, ce n'est pas pour l'intérêt général. Vous vous autoproclamez le droit de défendre l'intérêt général. Les mots que vous avez prononcés à l'encontre de Mme Peslon, ils me choquent. Je ne suis certainement pas une fan politique de la ligne de Mme Peslon. Je ne suis certainement pas d'accord avec un certain nombre des choses qu'elle a pu défendre dans le passé, mais une chose que je lui reconnais, c'est sa probité, son engagement total pour la commune, et je pense que je suis loin d'être la seule Stéphanoise à le faire. Et donc, je voudrais m'excuser au nom de M. Perdriau, Mme Peslon, des mots qui ont été prononcés à votre rencontre. Je ne les prends évidemment pas à mon compte, mais je veux vous dire que je pense que les Stéphanois et Stéphanoises qui nous écoutent ne s'associe absolument pas aux propos absolument insupportables qui viennent d'être prononcés par M. Perdriau. Vous daignez votre probité, vous daignez votre engagement total pour la ville. Je pense que c'est vraiment vous faire une insulte qui n'est pas méritée. Et je pense que les propos qui vous sont adressés le sont également pour les autres membres de Saint-Étienne avant tout. Je vois Patrick Michaud qui est dans mon champ de vision. Je pense aussi que c'est déplacé de lui faire ce type de reproche, d'autant que lui parler de LR à lui qui n'a pas sa carte dans ce parti, c'est complètement déplacé. Alors encore une fois, Monsieur Perdriau, vous mélangez tout. Vous mélangez tout pour faire un écran de fumée pour qu'on évite de voir quel est le vrai problème. Le problème aujourd'hui, c'est que vous ne supportez pas, effectivement, que la moindre de vos décisions soit mise en cause. Vous ne supportez pas que quelqu'un puisse avoir le moindre mot dissonant vis-à-vis de vous. Et donc vous allez écarter, écraser, terroriser les gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Ça avait commencé avec M. Boucher, il l'avait dit. Il l'avait dit d'ailleurs. Ça commence avec moi, c'est pour vous mettre une muselière. Et ça a marché. Vous avez traité de lâche M. Lioger, mais après ça, vous ne prononcez jamais d'insultes. Enfin, moi, je trouve ça profondément insultant d'utiliser ce type de terme. Je ne sais pas quel est votre curseur, quel est votre seuil par rapport à l'insulte, mais je pense que vous l'avez largement franchi à de nombreuses reprises. Et vous avez été insultant par rapport à M. Lioger, parce que je pense qu'il a été courageux de défendre effectivement ce en quoi il croyait, l'intérêt général de la ville et de la métropole, en sachant très bien ce qui lui pendait au nez, s'il osait à un moment donné se tenir contre vous. Donc je vais vous demander, M. Perdriau, si tant est que vous en soyez capable, si tant est que vous soyez capable d'entendre autre chose que vos petits nerfs, de vous dire qu'à un moment donné, vous représentez quelque chose quand vous siégez ici. Et vous ne pouvez pas parler à tort et à travers. Vous dites que nous ne sommes pas dans la mesure. Je rappelle que vous êtes celui qui a traité de pédophile notre président de région. Alors, essayez un petit peu de vous regarder dans un miroir et de vous demander qu'est-ce que vous mettez comme éthique dans ce conseil municipal. Vous en êtes le principal visage. Moi, j'étais pas très fière de vous voir à côté de la flamme olympique et je suis pas sûre que j'étais la seule à avoir un problème de vous voir associée à ce type de valeur ce week-end. Alors, effectivement, je m'associe au nom de mon groupe à la demande de Monsieur Boucher pour éviter que nous votions pour rien sur des rapports que nous aurons entièrement à revoir au prochain conseil municipal. Je vous demande de suspendre les rapports 2, 3, 4 et 5 et de les reporter au mois de septembre. D'abord, Madame Dumestre, je constate que vous devenez fan de tous ceux qui me critiquent. Ensuite, vous avez fait une incise sur la politique nationale, qui est une source d'inquiétude, effectivement, pour nous tous. Je dois dire que le message qui est renvoyé par certaines personnes ici présentes ne fait qu'y participer. quand un socialiste comme M. Courbon accepte de s'associer à la France insoumise simplement pour une place, pour essayer de conquérir une place, quand vous parlez des propos que peuvent tenir les uns et les autres, vous savez, il suffit juste d'avoir un petit peu de mémoire et de se souvenir de ce que disait Olivier Longeon au sujet de Pierrick Courbon. Aujourd'hui, il s'embrasse sur la bouche. Mais il n'y a pas si longtemps, c'était il y a deux ans. Olivier Longeon, Madame Dumestre. Monsieur Longeon disait de Pierrick Courbon, à son sujet, il représente une poignée d'hommes avides, gérant leur carrière personnelle, préférant la défaite à la victoire du peuple. C'est pas de moi, c'est violent, hein, c'est Olivier Longeon. Et aujourd'hui, cette alliance avec la France insoumise, avec l'extrême gauche, eh bien, moi, je salue leur intelligence aujourd'hui. Est une erreur politique majeure. Et d'ailleurs, je voudrais savoir, Monsieur Courbon, comment vous avez prévu de nettoyer la ville que vos militants salissent jour après jour d'affiches, d'autocollants de partout, nouveau Front populaire. Nos employés municipaux s'acharnent jour et nuit à nettoyer la ville et vos militants s'acharnent à la salir. J'espère que vous prendrez ce qu'il faut pour pouvoir nettoyer l'ensemble des rues de notre ville et d'enlever tous ces tags. Madame Dumestre, changez de sujet, mais Madame restez Dumestre, dans le sujet, s'il Monsieur vous plaît. Monsieur Longeon, s'il vous plaît. Madame Dumestre, vous faites, comme un certain nombre d'autres élus dans la salle, une erreur majeure. Vous vous substituez aux magistrats, vous vous substituez aux juges. Et je vous demande simplement d'attendre que la justice effectivement s'exprime. Il n'y a pas le cinquième de tout ce qui doit être su qui a été à ce jour mis sur la table. Et je vous regarderai avec la même droiture quand tout le reste sera mis sur la table. Et je pense que certains, je vous regarde, Monsieur Boucher, seront bien malaisés, quand toutes les vérités seront sur la table. Mon devoir aujourd'hui, c'est d'assurer la continuité du conseil municipal, d'assurer la continuité et l'exécution du plan de mandat. J'attendrai donc de recevoir les courriers qui ont été adressés par les élus dont vient de parler Nicole Peslon. Et donc, je mets aux voix ce rapport numéro 2. Qui est contre ? Donc, les groupes Saint-Étienne Demain, écologistes, communistes, Antoine Poméon, Lionel Boucher. Le groupe Saint-Étienne avant tout s'abstient. Qui s'abstient ? Il est donc adopté. Dans le rapport numéro 3, il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir procéder à l'élection du 18, 19, 20, 21 et 22e adjoint au scrutin de liste à majorité absolue. Par délibération précédente, le conseil municipal a décidé de maintenir 2 postes d'adjoints devenus vacants et de créer 3 postes d'adjoints, portant ainsi le nombre d'adjoints à 22. Conformément aux dispositions de l'article L21-22-7-1 et 7-2 du Code général des collectivités territoriales, les 5 adjoints prendront rang après le dernier adjoint en poste, chacun des adjoints restant passant au rang supérieur. Dans la mesure où il convient de désigner plusieurs adjoints, conformément aux dispositions de l'article L21-22-7-2 du Code général des collectivités territoriales, les adjoints seront élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Cette liste devra être établie dans le respect des dispositions de l'article L21-22 du Code général, à savoir que lorsqu'il y a lieu, en cas de vacances, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Les 2 postes d'adjoints vacants seront ainsi remplacés par des hommes et la liste complétée de façon à garantir la parité globale des adjoints, soit 11 femmes et 11 hommes. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Je voudrais savoir si des conseillers souhaitent présenter une liste. Madame Dumestre. Le groupe Saint-Étienne Demain demande une suspension de séance. Je vous donne donc rendez-vous à 16h05. Alors, pour la personne qui a dit encore, je vous signale qu'il y a quand même une petite crise qui s'est passée depuis la Madame précédente Dumestre, suspension. Et vous avez un collègue donné qui est parti droit en claquant à la votre porte. Demande de suspension oui, de alors, séance. Je vous donne rendez-vous demandez à vos collègues d'éviter les dans remarques intempestives. Et oui, comment ne pas claquer la porte ? Exaspération grandissante au sein des bancs de l'Assemblée, mais pas seulement. De nettoyage de la ville, en effet, il pourrait être bien question, en tout cas renoncement, à exercer donc leur fonction d'adjoint et de CMD, conseiller municipal délégué par le groupe Saint-Étienne Avant Tout, que présentait Nicole Peslon, sixième adjointe en charge de la tranquillité publique et de la propreté depuis 2020. En tout cas ex-adjointe, puisque vous l'avez entendu, ce groupe et ses dissidents, finalement, ont donc décidé de laisser leur fonction. En effet, en tant qu'adjoint et conseiller municipal délégué, aux côtés de Nicole Peslon, c'est donc également le cas de Claude Liogier, mais aussi de Patrick Michaud, Paul Corrieras, Robert Carulac, ainsi que des conseillers Marie-Ève Goutel, Jean Jamais, Jacques Promala et Alain Schneider. Alors, précisément, eh bien, il va être encore question d'adjoint, tentative d'avancement dans cette séance de conseil municipal, dans ses tout premiers dossiers à l'ordre du jour. Alors, malgré cette demande, vous l'avez entendu, d'Isabelle Dumestre, Lionel Boucher, de retirer ses délibérations, puisque il faudra de nouveau voter à la rentrée, de par ces différentes nouvelles démissions. La ville compte 21 adjoints, mais le maire l'a rappelé, selon le code général des collectivités, elle peut en avoir 22 compte tenu du nombre d'habitants. Donc il s'agissait de remplacer 4 adjoints. Le poste de Claude Liogier, en charge de la circulation et de la mobilité, donc tout fraîchement limogé, qui doit être remplacé dans la foulée. Remplacer le poste d'adjoint qu'occupait Denis Chambe, aux relations internationales, gestion du patrimoine, décédé en mai dernier. Celui également de Lionel Boucher, donc en charge des animations, exclu lui aussi il y a un an. Et enfin celui de Delphine Jusselme, en charge de l'accessibilité et du handicap, qui a démissionné elle aussi, sans donner d'explication elle, en septembre 2023. Alors on poursuit et termine ce spécial conseil municipal avec cette dernière tentative de reprise sur ce troisième point, troisième dossier à l'ordre du jour, élection de 5 adjoints au maire. Mais qui d'emblée entraînait, vous allez l'entendre, une nouvelle suspension de séance, et oui, troisième, avant un nouveau rebondissement et nouveau coup de théâtre. Monsieur Nebout, le groupe communiste demande une suspension de séance, s'il vous plaît. Oui, je vous laisse 5 minutes jusqu'à écart. Oui, après ce que nous avons vécu en ce début de conseil municipal, les élus du groupe communiste considèrent qu'il n'est plus possible de travailler dans cette session. Et vos propos outranciers, comme d'habitude, votre violence envers vos propres adjoints, vos anciens adjoints, illustrent bien la manière dont vous fonctionnez et comment fonctionne le système Perdriau. Le groupe communiste, donc, quittera cette session. Je vous remercie. Madame Dumestre. Oui, monsieur Perdriau. Alors, comme l'évoquait tout à l'heure monsieur Nebout, nous sommes malheureusement trop habitués dans ce conseil municipal à subir les insultes, le rabaissement permanent, les mises en doute de notre probité ou autre, la convocation de choses qui n'ont rien à faire dans cette salle. Vous avez encore une fois dérivé sur une allusion sexuelle avec deux hommes qui s'embrasseraient sur la bouche en évoquant nos collègues Olivier Longeon et Pierrick Courbon. Ah, mais bien sûr, ça ne vous pose pas problème. Mais vous pourrez vous exprimer, messieurs et mesdames de la majorité, si vous le souhaitez. Je tenais effectivement à m'associer à ce que vient de dire de bout en bout Monsieur Nebout. Il y a vraiment une ligne rouge qui a été franchie. Vous ne vous consentez plus d'insulter quand on vous interpelle. Ça va vraiment trop loin. Certains sont prompts à exclure certains du champ républicain, mais je pense que vous en êtes mis dehors tout seul aujourd'hui, parce que quand nous vous parlons intérêt du conseil municipal, intérêt général, vous nous répondez avec des choses qui n'ont rien à voir. Vous convoquez des élections qui ne sont pas en jeu ici. Alors je sais que les élections législatives vous intéressent à d'autres chefs, mais en tout cas, nous, ce que nous essayons ici de faire, c'est de défendre les Stéphanois et leurs intérêts. Nous aurions beaucoup de choses à dire lors de ce conseil municipal, notamment sur la mise en danger de l'Opéra, avec la convention collective que vous passez en force vis-à-vis d'un certain nombre de personnels, et vous n'avez pas répondu, par exemple, à la dizaine d'interpellations qui vous ont fait, Monsieur Perdriau, demandant un rendez-vous. Donc, peut-être vous pourriez vous mettre vous-même la même règle que vous avez appliquée à Monsieur Logier tout à l'heure. Nous n'allons pas pouvoir vous dire ce que nous pensons de la DSP sur la restauration scolaire. Nous n'allons pas pouvoir vous dire ce que nous pensons de l'augmentation de l'enveloppe dévolue aux élus, puisque, comme vous l'avez bien signifié à Madame Peslon, vous ne baissez pas les indemnités des élus, vous ne les augmentez pas, mais vous augmentez l'enveloppe globale, puisqu'en ajoutant en adjoint, vous avez la possibilité d'augmenter l'enveloppe maximale. Donc voilà, nous ne pourrons pas avoir des débats là-dessus, parce que nous ne parlons absolument pas la même langue avec vous, et que dès lors qu'on est en désaccord avec vous, vous l'avez montré à l'instant avec Madame Peslon, subitement, plus rien n'existe, plus il n'y a que votre point de vue qui compte. Alors vous avez peut-être noté qu'un chiffre symbolique a été atteint tout à l'heure sur le vote. Nous sommes désormais 21 à nous être opposés clairement contre vous, sans compter nos amis communistes qui n'avaient pas pris part au vote. Je pense que ce seuil de 21 est intéressant pour la suite du conseil municipal. En tout cas, nous allons aussi partir, et je pense que vous terminerez par prendre les décisions du conseil municipal comme vous l'avez toujours fait, avec vous-même et votre cour, parce que nous ne continuerons pas à vous donner la possibilité de nous associer à votre façon de gérer, qui est effectivement particulièrement insupportable. La violence, Madame Dumestre, c'est moi qui en ai été victime à de multiples reprises, d'insultes, d'injures, d'humiliations, par des gens d'ailleurs que vous avez excités, Madame Dumestre, par des gens que vous avez excités, vous, Monsieur Courbon, les communistes, vous les avez excités, le fameux comité des fêtes, avec des insultes, avec mon visage collé dans les rues de Saint-Étienne. Oui, c'est vrai. Et puis ça vous a fait moins rire quand ça s'est retourné contre Monsieur Glucksmann, votre candidat socialiste aux européennes. Là, c'était beaucoup moins drôle quand il fallait le protéger des mêmes énergumènes qui foulent. Madame Pfister, vous aurez la parole, je vais vous la donner. Ces personnes qui foulent la démocratie avec leurs pieds, Madame Dumestre. Et puis maintenant que vous retrouvez des intérêts communs, puisque je constate que Monsieur Courbon porte les couleurs de la France insoumise, des communistes. Là, maintenant, ça ne vous dérange plus. Monsieur Glucksmann, c'est du passé. Ça ne vous dérange pas. Vous avez la démocratie et le respect à géométrie variable. Eh bien, je vous souhaite une bonne campagne législative, puisque je présume que c'est ce que vous avez de mieux à faire plutôt que d'assister au conseil municipal pour intervenir sur les dossiers sur lesquels vous souhaitiez intervenir. Et je vous souhaite de faire une bonne campagne. On en parlera dimanche. Monsieur Longeon. Je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, rien qu'à vous entendre, on est très loin d'un débat serein dans ce conseil municipal. On est dans un débat où vous dites que les insultes, etc. Je vous rappelle que vous nous avez traité de pieds nickelés, que d'autres fois vous nous avez dit qu'on n'avait pas été aux commissions alors qu'on y avait été, d'autres fois qu'on comprenait rien. Donc, si vous voulez faire un étalon maître des sornettes qui sont dites dans ce conseil, il faudra que vous acceptiez la mesure et d'en faire partie. De plus, ce qu'on a vu aujourd'hui, il ne vous aura pas échappé que votre majorité a éclaté en vol et qu'il était temps. Et que la moindre des choses, c'est que le vote qu'on a aujourd'hui, on a tous compris qu'il va en avoir un autre en septembre. Donc, déjà, rien que ça, les débats n'ont plus de sens par... la façon dont vous parlez, mais les débats n'ont plus de sens aussi parce qu'il se passe dans votre majorité et qui était nécessaire. Le débat républicain n'est plus là aujourd'hui. Aujourd'hui, en ce mois de juin. Donc, je n'ai qu'une chose à dire. Nous refusons ce que vous venez de dire, c'est-à-dire cette espèce de cirque. Nous refusons ce travestissement de la démocratie par vous-même. et nous sortirons de ce conseil. J'ai une dernière chose à vous dire. Vous avez un problème avec l'homosexualité. C'est pas grave, mais quand même, si vous pouviez le soigner, ce serait très bien. Bien, vous avez reçu le bulletin que je... Lionel Boucher, Nicole Peslon. Oui, monsieur le maire, j'aurais eu à dire sur le compte administratif et l'insincérité du budget 2024. J'aurais eu à dire sur les 6 millions de revalorisation fiscale, les 3 millions de taxes d'habitation sur les résidences secondaires, les 5 millions de recettes de cession du site Berthier et les 1 million de recettes exceptionnelles comme des remboursements d'assurance et des certificats d'économie d'énergie, soit 15 millions de produits qui sont apparus comme par miracle. Mais la sérénité n'est pas là. Je quitte moi aussi cette séance du conseil municipal. Oui, merci monsieur le maire. Oui, monsieur le maire, je crois que nous avons constaté que face à notre déclaration, nous ne pouvons que déplorer la façon dont vous avez réagi. Les propos que vous avez tenus, je les considère, nous les considérons, comme quelque peu outranciers et déplacés, et ne répondaient pas, me semble-t-il, à la problématique que nous posions et que nous avons posée. C'est une décision qui est lourde de sens, qui n'est pas politicienne, contrairement à ce que vous avez dit, et de pouvoir justement répondre en plaçant cette décision au niveau d'un parti politique, c'est tout à fait inapproprié et contraire à la réalité. Nous sommes un groupe de 9, où nos appartenances politiques sont très différentes les unes des autres. Donc vous n'avez pas le droit de l'assimiler à un choix lié à quelque parti que ce soit. Pour une fois, nous représentons des tendances différentes, des approches différentes sur certains sujets, mais une approche commune par rapport à ce que nous vous avons expliqué, à savoir par rapport au positionnement que vous avez adopté avec la majorité de vos collègues par rapport à l'affaire qui concerne l'ensemble de la ville. Donc, je suis pour ma part extrêmement déçue de la façon dont vous avez répondu, puisque pour moi, elle est tout à fait inappropriée et nous n'avons pas du tout envie de subir encore ce genre de propos durant la séance qui risque de se dérouler. Donc nous aussi, nous quitterons cette séance. Vous pourrez continuer entre vous, tranquillement. Vous avez la majorité, donc c'est parfait. Et Nicole, vous pourrez continuer tranquillement. Oui, merci monsieur le maire. Comme j'avais aussi deux questions orales à la fin de ce conseil relatives aux sulfateuses APV ainsi que la suppression de places de stationnement dans le cadre du projet Chronobus M6+, et je rejoins aussi Noël Boucher sur la question de l'excédent de 12 millions d'euros, je précise aussi que je quitterai la séance de ce conseil. Je remercie d'ailleurs nos collègues Saint-Étienne avant tout d'avoir pris position claire et nette, et je pense que l'avenir donnera raison, comme nous l'avons toujours dit, aux courageux et à celles et ceux qui, depuis le début, ont dit les choses dans ce conseil. Merci. Bien, pour vos questions diverses, vous pourrez toujours demander la réponse à Claude Liogier qui vous les avait écrites. Et en quittant le conseil municipal, vous manifestez les uns et les autres l'ordre de vos priorités. Et voilà, deux dossiers écoulés à l'ordre du jour de ce conseil municipal d'hier. En tout cas, début de séance agité, vous l'avez entendu, le torchon brûle véritablement, avec donc eh bien, cette fin assez surréaliste et donc séance qui se terminait ainsi, en tout cas par le départ des groupes d'opposition, d'Antoine Poméon, de Lionel Boucher, donc dès la troisième délibération, et puis véritablement le groupe des 9 qui lâche définitivement le maire Gaël Perdriau, le groupe Saint-Étienne avant tout, emmené par Nicole Peslon, qui reste néanmoins conseiller municipal, mais qui devrait siéger probablement au sein prochainement de l'opposition, qui véritablement va venir à manquer de place. En tout cas, cette séance se poursuivait donc à la simple majorité, et notamment sur ce dernier point, enfin en tout cas ce troisième, qui portait sur eh bien, le vote de nouveaux adjoints, donc laissant seuls les 35 élus les plus proches de Gaël Perdriau. Et à l'issue de cette élection d'ailleurs, eh bien, voilà, les conseillers municipaux Abdelwahab Bakli, Marie-Jo Pérez, Lionel Jouffre, Cyril Maclouf et Thierry Nietzsche étaient élus adjoints à l'unanimité, bien sûr, des élus présents, soit 35 voix. Le groupe Saint-Étienne avant tout devait aussi préciser sa position et tenait ce matin une conférence de presse. On aura l'occasion de suivre cela eh bien, à la rentrée qui s'annonce agitée, avec tout d'abord eh bien, cette prochaine échéance électorale du 30 juin et 7 juillet prochain. Et puis, on le sait, en perspective, les municipales 2026. Et donc surtout, eh bien, ce conseil de septembre attendu. Et également, eh bien, l'enjeu se portant aussi au niveau métropolitain, la prochaine séance de conseil de Saint-Étienne Métropole qui doit se tenir, si je ne me trompe, ce mercredi. Voilà pour ce conseil qui ensuite, je le disais, hein, en roue libre, continuait d'égrainer les 60, du coup 5 dossiers restants à l'ordre du jour. Et avec une séance très resserrée, sans contradictoire, sans opposition, sans débat, bien entendu, avec un point important encore sur les questions de budget et de finances et de, entre guillemets, bonne gestion de la ville, sur lequel nous pourrions aussi revenir. Hein. Les points ont été balayés par l'opposition qui abordait les différents points qu'ils auraient aimé évoquer sur ces dossiers à l'ordre du jour. Hein. Attribution de subventions culturelles notamment, sur lequel aussi nous pourrions revenir. Notre association Amis des Ondes Radio Dio, apprenant hier que sa subvention, en tout cas son deuxième versement, comme le veut l'habitude jusque-là, n'était pas voté et que, comme bon nombre d'autres structures socioculturelles, associations, Radio Dio se voit à nouveau amputé de subventions, près de 50% pour cet exercice 2024. Je ferme simplement la parenthèse. Nous aurions pu, pourquoi pas, en bande son et guise de générique de fin, ce qui fut d'ailleurs le cas hier avec le comité des fêtes évoqué durant cette séance hier qui se rassemblait à nouveau comme c'est le cas depuis 22 mois maintenant hein, et depuis les révélations de Mediapart sur l'affaire Perdriau qui en effet diffusait avec délice et plaisir ce titre mère chanteur du groupe stéphanois Turbo Tugs. Ben, je vous renvoie tout simplement à l'écoute possible en ligne, vous faites une petite recherche sur tout bon moteur de recherche le mère chanteur Turbo Tugs et vous trouverez ce titre là. Je vous renvoie aussi pourquoi pas sur le communiqué du comité des fêtes qui tente une synthèse assez efficace des choses via notamment le site participatif collaboratif, le numéro 0, le numéro 0.info. En tout cas, affaire à suivre, comme l'on dit. Nous allons terminer en musique avec ce que nous n'avons pas fait en règle d'or d'ouverture de ce programme. Nous allons déplacer cela en fermeture de programme avec notre artiste partenariat album Découverte Ferrarock cette semaine avec le groupe Plastic Candy. C'est du Riot Punk, c'est du Girl Power, c'est du post-punk, du punk rock, du no wave, c'est comme vous le voulez. On va laisser tomber les étiquettes et autres catégories musicales, mais ce titre-là me semblait bienvenu pour boucler définitivement ce programme. 6 minutes 31 issu de cet album Future Drone Killer de Blast Candy. Ça s'appelle Violence d'État et ce sera en guise de générique de fin de ce programme. D'ici là, tout bon chez vous. Portez-vous au mieux. Ciao, bye. Pour protéger ta petite élite, tu protèges les crimes policiers. sujet. Tu manipules, tu assassines. Tous les jours la liste s'allonge. Tous les jours la liste s'allonge. C'était toi que je pas mal eu. C'était tes potes que je pas mal eu. Va falloir payer la note, tu vas payer la note. Toi et tes potes, vous allez dégager Manu. Tu dois rendre le pays Manu. On vient te chercher à l'Élysée. On va traverser la rue, on va te trouver. Le pognon de dingue, faudra le rendre Manu. C'est toi qui sème la violence. Violence d'État. C'est toi qui sème la violence. Sois gaffeur pour ta mère. C'est toi qui sème la violence. Violence d'État. C'est toi qui sème la violence. Sois gaffeur pour ta mère. Et combien de noyés tu mets les gosses face contre terre. Ça tape sur tout ce qui bouge et tu fais pleurer nos familles. C'est à toi que je parle, Manu. C'est de tes potes que je parle, Manu. Va falloir payer la note, tu vas payer la note. Toi et tes potes, vous allez dégager, Manu. Tu dois rendre le pays, Manu. On vient te chercher à l'Élysée. On va traverser la rue, on va te trouver. Le pognon de dingue, faudra le rendre, Manu. Pour faire la guerre, t'as l'arsenal. LBD, IF4, Lacrimo et fumigène. Bâton, tonfa, véhicule blindé. Canon à eau et arme à feu, grenade, fusil d'assaut. C'est à toi que je parle, Manu. C'est de tes potes que je parle, Manu. Va falloir payer la note, tu vas payer la note. Toi et tes potes, vous allez dégager, Manu. Tu dois rendre le pays, Manu. On vient te chercher à l'Élysée. On va traverser la rue, on va te trouver. Le pognon de date, faudra le rendre, Manu. C'est toi qui sème la violence. Violence d'État. C'est toi qui sème la violence. Sois gaffeur pour ta mère. C'est toi qui sème la violence. Violence d'État. C'est toi qui sème la violence. Sois gaffeur pour ta mère.